Le championnat national des As du Taekwondo pour la Coupe Chun-Sung, consacré au 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, est ouvert le 15 à Hesan, province du Yangon. À la cérémonie d'ouverture, on prépare les cadres intéressés, les sportifs, les jeunes étudiants. Il y a eu ensuite la démonstration des taekwondoïstes. À part de l'art martial coréen, il y aura aussi les matchs de paddle.